Osmose Radio. Osmose. La web radio. L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres. Sur Osmose Radio. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue sur Osmose Radio, la radio qui vous aime. Oui, et plus particulièrement ce soir. Vous êtes bien dans l'heure du loup, votre émission des musiques rock, new wave, et aussi ce soir, synth-pop, avec ce petit morceau d'ouverture, un peu cucul à praline, je vous l'accorde, mais c'est tellement mignon. C'était Ellie et Jacno, un morceau du début des années 80 avec ses sons de synthé qui ont un peu vieilli. C'était Main dans la main, un morceau tout mignon, tout trognon, tout... Et c'était un de ces morceaux morceau du début des années 80, donc synth-pop avec ses synthés un peu bon tant pis, qui ont un petit peu vieilli, mais c'est pas grave, l'insouciance, la fraîcheur de leur petite ritournelle, elles n'ont pas vieilli. Et ce soir, il va être question d'amour. D'ailleurs, je m'excuse, à propos du petit cafouillage de la semaine dernière, j'aurais dû vous faire une émission spéciale Saint-Valentin, et puis finalement, ça n'a pas été possible. Bon, last but not least, j'ai envie de vous la faire ce soir, alors que la Saint-Valentin est passée, mais c'est pas grave, hein. On va se faire plaisir tout de même avec ce thème éternel. Je disais, l'amour, c'est l'éternelle jeunesse, et ben tiens, justement, on va se faire une cure de jouvence ce soir, et puisque la Saint-Valentin cette année tombait un vendredi, ben c'est le moment ou jamais d'écouter le titre Friday I'm in Love. Bonsoir mes loulous, vous êtes bien sur Osmose Radio, la radio qui aime ses auditeurs. Et ce soir c'est une émission spéciale Saint-Valentin, ça tombe bien me direz-vous. Et vous êtes dans l'heure du loup, où le loup un petit peu obsédé ce soir, un petit peu comme le loup de Tex Avery. Et à l'instant c'était le morceau Friday I'm in Love, hein, puisque je vous disais c'était une émission spéciale Saint-Valentin, c'était le moment jamais. Ou jamais d'écouter ce morceau de The Cure. Alors je vous cache pas que, donc avec cette petite musique d'intro pour se mettre dans l'ambiance, je vous cache pas que j'ai passé quand même un week-end pour vous trouver la musique judicieuse, à mater la collection, la filmographie complète de Brigitte Lahaie pour trouver des musiques de films de boules qui conviendraient bien. Bon, finalement j'ai pas trouvé, mais j'espère que vous êtes conscients des sacrifices que je fais pour vous, chers amis, pour vous, Osmose Radio, hein. Bref, quoi qu'il en soit, on va continuer. Alors pourquoi je vous parle un petit peu de avec cette musique musique de Gainsbourg, très connotée libidineuse, on va dire. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la Saint-Valentin, c'est bien mignon, c'est bien romantique, mais l'amour, après tout, n'a comme finalité que la reproduction de l'espèce, hein, et puis tous ces petits cœurs roses si frétillants, si romantiques, cachent d'autres choses roses et frétillantes que je ne nommerai pas. Et pour ma part, moi, la Saint-Valentin, tout le monde râle, et a raison d'ailleurs. Moi, je peux pas m'empêcher de trouver ça très très mignon, même quand je suis célibataire. D'ailleurs, en ce moment, je suis célibataire, les filles, donc mon numéro, c'est le 06 16. Ah non, mes techniciens Abel et Jimmy me disent que j'ai pas le droit d'utiliser Osmose Radio comme un site de rencontre. Bon bah tant pis, hein. 16 86 94. Et quoi qu'il en soit, on va continuer avec cette playlist où les questions d'amour et de stupre, hein, je ne vous le cache pas. Et pour aller vers des choses un petit peu plus sexy dans le thème, eh bien quoi de mieux que de la musique avec du poil, avec de la sueur, avec de la testostérone. Je pense donc bien entendu au glam rock. Et je vous envoie un petit bec, un gros smack et un gros kiss avec ce morceau avec lequel on va continuer, Make in Love. C'était sur l'album Rock'n'Roll Over en 74, c'était le groupe Kiss. Salut à tous, les enfants! Salut, chef! Comment ça va? Mal! Chef, on fait comment pour être aimé plus que les autres par les nanas? Oh, c'est facile, faut que tu trouves le clitoris! Quoi? Oups! Vous entendez quoi par trouver le clitoris? Fais comme si j'avais rien dit! Et les mecs, vous savez où je peux trouver le clitoris? Le quoi? C'est genre trouver Jésus, un truc comme ça? Well, you've tried it just for once, find it alright for kicks. But now you find out that it's a habit that sticks on your orgasm addict. You're orgasm addict. Sneaking in the back door with dirty magazines. So your mother wants to know what all the stains on your jeans. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. You're getting assault, but you still keep a beat in your Joseph. It's a live on a fucking yourself to death. Orgasmatics, you're an orgasmatics. Butchers, assistants and bellhops, you've had them all here and there. Children of God and the joy strings, international women with no any hair. Ooh, so well you're asking in an alley and your voice ain't steady. The sex mechanics are off, you're more than ready. You're an orgasm addict, you're an orgasm addict. Johnny one fucky always and always. He's got the energy, he will amaze. He's an orgasm addict. He's an orgasm addict. He's always at it. He's always at it. And he's an orgasm addict. He's an orgasm addict. Haha, quand je vous avais dit qu'il serait question de stupre ce soir dans l'heure du loup sur Osmose Radio. À l'instant, c'était les Buzzcocks avec le titre Orgasm Addict et c'était enchaîné juste avant avec un morceau de glam rock. Par contre, là, pas du punk rock, c'était Kiss avec le titre Making Love. C'était sur l'album Rock'n'Roll Over, hein, pas celle que vous allez féconder comme des salopards, bonne petite chaîne à part. Non, Rock'n'Roll Over, c'était autre chose. Et entre ces deux morceaux, était intercalé un petit hommage à South Park, cette fameuse série, avec Chef, l'adulte préféré de la bande de Stan, Kyle, etc. et du fameux Cartman qui s'interrogeait sur le rôle et la signification du clitoris. Je pense que depuis vos 8-9 ans, vous avez trouvé tout ça tout seul, chers amis. Allez, quand je disais qu'il y aurait du stupre et de la débauche ce soir dans l'émission, je voulais pas dire forcément que ça allait être réservé au délire des gars, bien entendu. D'ailleurs, pour continuer cette émission, je vous propose le belâtre pour les filles. Un beau gosse, le belâtre de la scène punk américaine, j'ai envie de dire, Dave Vanian, chanteur de The Damned, et on continue avec le titre Love Song. Good. Ooh, you smell good. Ooh. like a bad girl should. When I need love, I love how you feel. When I need dough, I love how you steal. I love your sick way you think. The way your perfume makes you stink. Like a bad girl should. Splits my spleen. Ooh, you look good. Ooh, you smell good. Ooh, you taste good. Like a bad girl should. Bad, bad, bad, bad girl. Petite dédicace à toutes les bad girls qui écoutent cette émission et Osmose Radio ce soir. Vous êtes bien dans l'heure du loup et à l'instant c'était The Cramps avec le titre Like a Bad Girl Should. C'était enchaîné juste avant avec un autre morceau punk rock, The Damned avec le titre Love Song. The Cramps, le morceau qu'on vient d'écouter à l'instant, c'était sorti en 1997, du vivant d'ailleurs de Lux Interior qui nous a quitté en 2009, ce chanteur qui était donc le frontman de The Cramps. The Cramps d'ailleurs un mot qui en anglais signifie les règles, les monstres. Un truc qui vous prend le chou une fois par mois, mes chers amis, souhaitons que ça se passe bien parce que c'est pas toujours facile à vivre. J'ai une copine qui avait des douleurs par rapport à ça, c'est relou, hein. Courage les filles. Et quoi qu'il en soit, donc le punk rock peut aider un peu à oublier ce genre de soucis, et The Cramps avait sorti ce titre Like a Bad Girl Should en 1997 sur l'album Big Beat on in Badsville, ça s'invente pas, hein. Et voilà, donc c'était une petite parenthèse punk rock dans cette émission. Maintenant on va changer, on va évoluer, on va rester dans le thème un petit peu libidineux et sexy, mais on va passer du rock, on va aller vers l'électro avec puisque The Cramps parlait du corps des dames à l'instant, hein, I like your ass, etc. Ça se passe de commentaires. Et bien on va continuer dans le thème du corps avec de l'EBM, un style qui signifie en fait Electronic Body Music. Et c'est un sous-genre de l'électro, on va dire, qui est très orienté dance floor, et dans les thèmes abordés dans les paroles, c'est souvent assez libidineux, hein, ça parle beaucoup de cul. Et c'est notamment le cas du groupe que je vous ai ramené ce soir avec Mineshaft. Alors c'est un projet solo d'un Allemand dont j'ignore l'identité, qui s'est amusé à faire des reprises électro très martiales dans l'esprit, qui fait des reprises donc de titres des années 80. Alors il a repris tantôt des titres français comme Gesh Paty ou Axel Bauer, hein, vous vous souvenez de ces titres comme Cargo de Nuit par exemple. Il a aussi repris des groupes de la même période mais en Allemagne, notamment un groupe qui n'était pas très connu chez nous qui s'appelait Dupont et qui avait fait un titre qui s'appelait Hotel Lover. Et bien Mineshaft l'a traduit en français, il a mis une bonne rythmique et un bon son électro bien gras et ça donne l'amour à l'hôtel. Formule 1. On se capte à la réception. On prend la chambre 401. L'amour à l'auteur. On baisse et tu dégages. C'est l'amour à l'auteur. Chaud devant, je décharge. Pas d'embrouille, sois sympa. Vire tes fringues et montre ton corps. Pas d'embrouille, sois sympa. Vire tes fringues et montre ton corps. Chant de mort, je décharge. On t'appelle Nikita. Et moi c'est Jackie. Je te paye des margaritas. Tu bois et je consomme. L'amour à l'hôtel. On baisse et tu dégages. C'est l'amour à l'hôtel. Chaud devant, je décharge. Pas d'embrouille, sois sympa. Viens te fringuer. Pile de la Non, non, ce n'était pas la chanteuse de Sexy Sushi qui faisait une ode à son godemiché, un sex appeal, ça signifiait peut-être autre chose à l'instant. C'était Sexy Sushi, ce duo d'allumés français qui font une électro dans le son mais qui reste assez punk dans l'esprit. Et c'est enchaîné juste avant avec un allemand, celui-ci, Mineshaft, et une reprise, le titre L'amour à l'hôtel. Voilà, j'en ai fini hein, avec le côté cul dans cette émission parce que, après tout, hein, on n'a pas que un slip qui frétille, hein, on a aussi un petit cœur qui bat. Attendez, je vérifie. Ouais, il bat. Et quoi qu'il en soit, donc on va aller vers d'autres thèmes. On va arrêter le stupre et on va aller vers des choses un petit peu plus romantiques, comme des petits cupidons innocents. Et on va aller. Alors, ici, j'arrête le cul dans cette émission, mais je vais vous passer un morceau culte d'un groupe mythique dont j'allais forcément vous parler à un moment ou à un autre. Il s'agit de Joy Division, le même groupe qui, à la fin des années 70, a inventé la cold wave, ce style un petit peu et le post-punk. Donc, ce style dérivé donc de l'explosion punk de la moitié des années du 8 ans des années 70 et qui les a emmenés vers d'autres choses. Et malheureusement donc Ian Curtis, ce chanteur charismatique, s'est suicidé en 1980 et les membres du groupe ont formé par la suite New Order. Alors là on va écouter un morceau qui n'était pas sorti sur album à l'époque, qui est sorti de manière posthume en 1987 sur l'album Substance, vraiment l'hymne de tous les amoureux qui apprécient ce genre de musique là, le post-punk, la cold wave, Joy Division et le morceau Love Will Tear Us Apart. We'll be right back. Morgan avec le titre Love, Love, Love. C'était sur l'album Grab That Gun en 2004. The Organ, c'était un groupe de nanas de Vancouver, des petites canadiennes qui faisaient une pop mélancolique qui m'avait beaucoup touché. Et cet album Grab That Gun qui était vraiment une perle, et croyez bien que je vous en ramènerai d'autres morceaux parce que c'est vraiment très agréable. C'était enchaîné juste avant avec un groupe qui n'aura pas manqué de les influencer, ces petites demoiselles. C'était Joy Division avec le titre, l'hymne devrais-je dire, Love Will Tear Us Apart. Alors, je vous disais, hein, j'ai été beaucoup touché par The Organ et leur pop mélancolique. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi aussi, j'ai un petit cœur qui bat. Et ça m'amène des fois aussi à des trucs un peu plus discutables, comme par exemple quand j'écoute du métal à minette. Oui, je le reconnais, je l'avoue humblement. Il m'arrive parfois d'écouter tous ces groupes commerciaux qui font de la musique, plutôt connotés pour émouvoir les jeunes filles. Mais je me laisse prendre au truc aussi, après tout, il n'y a pas de honte, quand il s'agit d'un bon morceau avec un bon couplet, un bon refrain, un bon riff de guitare et quelque chose de péchu. D'ailleurs, ce groupe que je vous ai ramené ce soir, émission Saint-Valentin oblige, je vous ai ramené Bullet for My Valentine. Je les avais vus au Hellfest l'an dernier et franchement, je n'avais pas boudé mon plaisir. C'était vraiment sympa. C'est un bon groupe sur disque, c'est un bon groupe sur scène. Je n'écouterai peut-être pas pendant des plombes, mais on va quand même se faire plaisir avec le morceau que je vous ramène ce soir. Je ne me suis pas foulé, c'est un des morceaux le plus connu, Tears Don't Fall. Tears don't fall, they crash around me. vrai triomphe théâtral. C'est comme un rêve. La nuit où nous nous sommes rencontrés ressemblait fort à celle-ci. Il y avait de la magie dans l'air. Un garçon. Une fille. Un tombeau encore ouvert. C'était mon premier enterrement. Tu m'as ébloui par ta beauté, pâle et mystérieuse. On en oubliait presque de regarder le mort. Ton cousin Balthazar. Et c'est toi que l'on soupçonnait. Je ne pouvais m'empêcher de te dévisager pendant tous les loges funèbres. Ton regard, ta moustache, ton rire. Tu m'avais pris au piège. Je t'ai demandé ta main ce soir-là. Tu te rends compte? Un beau jour, nous serons nous-mêmes enterrés ici. L'un à côté de l'autre, à 6 pieds sous terre, dans des cercueils assortis. Nos deux corps immobiles, pourrissant de concert. Pour toute l'éternité. Calamia. La mia peste. Cara mia. Vous pouvez pas savoir combien de fois j'ai sorti ça à des nanas, mais j'ai jamais réussi à le faire aussi bien que Gomez Adams dans le film. Décidément, ces deux-là, c'était vraiment l'archétype du couple romantique, macabrement romantique, je vous l'accorde, mais à mon avis, ce sont les meilleurs dans ce style-là. Voilà, c'était pour conclure un petit peu cette playlist consacrée à la Saint-Valentin, avec quelques jours de retard, mais vous me le pardonnerez, chers amis. Très rapidement, parce que je suis à la bourre, quelque chose intéressante à faire dans un proche avenir du côté d'Avignon. Jeudi 20, fin de matinée, vous pourrez écouter Osmose Radio. Il y aura le groupe Flangers qui sera invité pour faire une session acoustique. Donc faites-vous plaisir, Flangers, très bon groupe rock avignonnais. Vendredi 21, le lendemain, au Passager du Zinc, il y aura d'autres très bons groupes avignonnais, Synopsis et God is Dead, ce sera au Passager du Zinc. Et enfin, le samedi 22, au Capitole Studio au Ponté, vous aurez une soirée fantastique avec des vampires notamment, et une soirée un petit peu dans le style vampire, macabre, horreur, etc. Voilà. Je vous parlais de la Saint-Valentin ce soir, mes loulous, je vous parlais d'amour, de stupre, mais aussi de petites choses romantiques, et on va continuer comme notre habitude, on va finir cette playlist avec quelque chose de tout à fait décalé par rapport au style qu'on a écouté dans l'émission, mais on va rester dans le thème, et ce soir, pour rester dans ce même thème, on va parler d'un sentiment qu'on a tous éprouvé, hein, chers amis, c'est la jalousie, et qui l'a mieux chanté qu'Émilie Loiseau, je ne sais pas. Moi, je vous propose de nous quitter avec ça ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine pour une émission normale, et je vous dis, si vous êtes jaloux, laissez aller, respirez un grand coup, c'est bientôt le printemps, bisous mes loulous, salut. Deux heures sur ta boîte de petit beurre, la fameuse avec les lettres, les photos de New Hampshire, ton voyage en amoureux avec Adèle de Bayeux. Je trouve son nom ridicule, on dirait une marque de pull. Elle voudrait me rencontrer, nous avoir pour déjeuner. C'est sûr, elle va m'adorer et elle a tellement insisté. Oui, mais je suis jalouse. Oui, c'est ça, tout simplement jalouse. Je suis jalouse. Je mange toute seule au chinois, c'est pratique, c'est juste en bas. Je t'ai laissé y aller tout seul, maintenant je m'en mords les doigts. Tu m'as dit c'est trop dommage, elle fait si bien la cuisine. Je lui ferai bien mon potage à la nitroglycérine. La bile et le glutamate se chamaillent dans ma rate. Je me dis ça à chaque fois, je ne mangerai plus chinois. Oh oui, je suis jalouse. Oui, c'est ça tout simplement. le soir, te parler de temps en temps, sourions, serrons les dents. C'est vrai, c'est assez normal, je n'y vois pas d'inconvénient. Je ne vais pas faire un scandale, pour vous deux c'est important, mais c'est